إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous bénisse. Nous poursuivons l'étude de l'exposé de la Sunna de l'imam al-Barbahari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc l'auteur nous dit, rahimahullah, sachez que l'islam est la Sunna, et que la Sunna est l'islam, et que l'un ne va pas sans l'autre. L'auteur a commencé son épître dans lequel il a mentionné des sujets du domaine de la croyance par le mot « sachez ». Et ce terme est souvent utilisé par certains savants lorsqu'ils débutent leur livre. Et ce procédé, qui est de commencer par le terme « sache », ou encore « sachez », a pour but d'attirer l'attention du lecteur pour que son cœur soit présent, car ce qui va suivre ce mot est très important. Et ce procédé fut utilisé dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au Coran, on le retrouve dans le verset 19 de Surat Muhammad, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Sache qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et implore le pardon pour tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par « sache » pour évoquer ce sujet immense qui est le tawhid. Et nous le retrouvons également dans le verset 17 de Sourate Le Fer, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mawtiha » Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala redonne la vie à la terre morte. Quant à la sunna, nous retrouvons ce procédé dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique d'après Abu Mas'oud al-Badri, qu'Allah l'agrée. Il a dit « Je fouettais un de mes esclaves. Quand j'entendis une voix dans mon dos, sache Abu Mas'oud, mais à cause de la colère, je ne reconnus pas la voix. Quand la personne s'approcha de moi, je m'aperçus qu'il s'agissait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait: Sache Abu Mes'oud, sache Abu Mes'oud. Et j'ai aussitôt laissé mon fouet. Et il déclara: Sache Abu Mes'oud qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que toi sur cet esclave. Je répondis alors: Dorénavant, je ne frapperai plus jamais aucun esclave. Donc, comme nous l'avons mentionné, ce procédé fut cité dans le Coran et dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur nous dit: Sachez que l'islam est la Sunna, et que la Sunna est l'islam, et que l'un ne va pas sans l'autre. Avant de savoir si le principe que l'auteur rahmahullah a mentionné dans cette phrase est juste, il faut tout d'abord qu'on sache quel est le sens de l'islam et quel est le sens de la sunna. Et par la suite, nous serons en mesure de savoir l'authenticité de cette parole. Premièrement, il faut savoir que l'islam a deux sens, tandis que la sunna en a trois. Quant à l'islam, la cause de ces différents sens est due au fait que dans certains textes, l'islam est cité avec la foi, tandis que dans d'autres, il est mentionné seul. Par exemple, l'islam fut mentionné seul dans le verset 19 de sourate Ali Imran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna dina indallahi l'islam. La religion agréée d'Allah est l'islam. Également dans le verset 85 de cette même sourate, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et nous avons le même type de preuve dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib, qu'Allah l'agrée, lorsque les deux anges, Munkar et Nakir, posent les trois questions au défunt, parmi elles, quelle est ta religion? Et le croyant répondra: Ma religion est l'islam. Dans les preuves citées précédemment, lorsque l'islam est mentionné seul, son sens sera tout ce qui englobe les injonctions de la religion, parmi les paroles, les actes et les choses de la croyance. Et il en est de même pour la foi lorsqu'elle sera mentionnée seule. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5 de sourate Al-Ma'ida: Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Quiconque renie la foi perd ses bonnes actions et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Également dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La foi comprend plus de 70 branches. La plus haute est la parole, La ilaha illallah. La plus basse est d'ôter toute chose nuisible de la route, et la pudeur est une branche de la foi. Lorsque la foi est mentionnée seule, comme dans les textes précédents, elle aura le sens de tout ce qui englobe les injonctions de la religion. Parmi les paroles, les actes et les choses de la croyance, tout comme l'islam. Et lorsque l'islam est mentionné avec la foi, tel que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les Bédouins disent: Nous croyons. Réponds-leur. Vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt, nous nous sommes soumis. Également dans le hadith de Djibril, l'islam et la foi furent mentionnés ensemble. Et dans ce cas, la définition de l'islam sera différente de celle de la foi. L'islam aura le sens de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à l'ange Djibril lorsqu'il le questionna sur l'islam, c'est-à-dire attester qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et l'accomplissement du pèlerinage de la maison sacrée. En résumé, cela veut dire que lorsque l'islam sera mentionné avec la foi, l'islam aura le sens des actions apparentes. Quant à la foi, elle aura le sens des actions cachées, comme cela est venu dans le hadith de Djibril. Car lorsqu'il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la foi, il répondit, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et les savants de la Sunna nous ont résumé tout ce que nous avons dit précédemment dans une règle qui est al-Islam ou al-Iman. Idajtama'a iftaraqa. Wa idaftaraqa ijtama'a. Lorsque l'islam et la foi sont cités ensemble, c'est-à-dire dans le même texte, ils auront un sens différent. L'islam aura le sens des actions apparentes et la foi des actions cachées. Et lorsqu'ils seront mentionnés seuls, ils auront le même sens, c'est-à-dire les actes apparents et cachés. Et avec cette règle, nous sommes en mesure de savoir qu'est-ce que l'auteur veut dire par l'islam dans sa parole, sachez que l'islam est la sunna. Ce qui est voulu par l'islam, c'est tout ce qui englobe les injonctions de la religion, parmi les paroles, les actes et les choses de la croyance. Ou selon d'autres termes, ce qui est voulu par l'islam, ce sont les actes apparents et cachés. Car ici l'islam est mentionné sans la foi. Ensuite, il dit, rahimahullah, sachez que l'islam est la sunna et que la sunna est l'islam. La sunna, d'un point de vue linguistique, signifie la voie, qu'elle soit louable ou blâmable, bonne ou mauvaise. Ceci est le sens du mot sunna d'un point de vue linguistique. Les Arabes, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, utilisaient le mot sunna pour dire la voie. Cependant, d'un point de vue religieux, le terme sunna a trois sens. Le premier sens et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, interdit ou recommandé parmi les choses qui n'ont pas été citées dans le Coran. Lorsque le terme sunna est mentionné dans les hadiths, en règle générale, il englobe cette définition. Et la preuve à cela réside dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique. D'après Ibn Mes'ud, qu'Allah l'agrée, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui connaît le plus le livre d'Allah dirige la prière. Si les gens sont égaux en cela, alors celui qui connaît le mieux la sunna. Et certains savants ont dit que ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, celui qui connaît le mieux la sunna, c'est-à-dire les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le premier sens. Le deuxième sens, c'est lorsque le terme sunna signifie ce qui est recommandé. En effet, parfois le mot sunna signifie ce qui est recommandé. Par exemple, dans les livres de jurisprudence, on retrouve les sunnans de la prière ou encore les sunnans des ablutions, c'est-à-dire ce qui est recommandé pendant la prière et lors des ablutions. Et la preuve que le terme sunna signifie parfois ce qui est recommandé réside dans le hadith rapporté par Al-Bazzar dans son Mousnad, d'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agré, qui a dit: la sunna est que l'homme accomplit ses ablutions majeures avant de rentrer en état d'ihram. Et le terme sunna dans ce hadith signifie ce qui est recommandé, car accomplir les grandes ablutions avant l'ihram est recommandé et non obligatoire. Le troisième sens est lorsque la sunna a le sens de la législation, c'est-à-dire qu'elle englobe la religion parmi les ordres, les interdits, ce qui est recommandé, les choses du domaine de la croyance, de la jurisprudence et autres. Et la preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Moussa ibn Salama al-Hudhali, qu'Allah l'agré, qui a dit: je questionnais Abdullah ibn Abbas, comment dois-je prier à la Mecque si je ne prie pas avec l'imam? Il répondit: deux unités, c'est la sunna d'Abul Qasim, c'est-à-dire c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'éminent savant est Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre intitulé « Al-Sharh Al-Mumti'a », après avoir mentionné ce affar, je cite: « Ce qui est voulu par le terme sunna, c'est la législation. » Avec cette explication, nous voyons que la parole de l'imam Al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, « Sachez que l'islam est la sunna et que la sunna et l'islam est juste, car ce qui est voulu par l'islam, c'est la législation et la sunna également. » Ensuite, il y a un point très important qu'ont mentionné certains savants. Parmi eux, l'éminent savant Ibn Rajab et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui est que le terme sunna chez les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, veut dire la législation, c'est-à-dire les paroles avec la langue, les actions avec les membres, les actions du cœur, les adorations et les choses de la croyance. Et ceci fut rapporté de beaucoup de pieux prédécesseurs, tels que Hassan al-Basri, l'imam al-Awza'i, al-Fudayl ibn Iyad et d'autres. Quant aux savants qui sont venus après, certains d'entre eux voulaient par le mot sunna le même sens que voulaient les salafs. Néanmoins, ils sont peu. Par exemple, l'imam al-Marwazi a un livre intitulé « As-Sunna ». Et tu trouveras dans ce livre des sujets du domaine de la croyance et de la jurisprudence. Également, l'imam al-Barawi a un livre qui s'intitule « L'exposé de la Sunna ». Tu trouveras dans celui-ci des sujets du domaine de la croyance et de la jurisprudence. Et cela est le sens d'un petit nombre de savants. Quant à la majorité des savants, ils veulent par le terme sunna les sujets relatifs à la croyance. Et la preuve de cela réside dans leurs livres. Car la plupart des épîtres où l'on retrouve le mot sunna traitent des sujets de la croyance, tel que le livre « Sunna » de l'imam Abu Bakr al-Khalal, celui également du fils de l'imam Ahmed, celui de l'imam al-Tabari et de l'imam al-Lalakai et d'autres. Ensuite, l'auteur nous dit « Et que l'un ne va pas sans l'autre. » En effet, l'islam ne va pas sans la sunna. Car l'islam est la sunna et la sunna est l'islam. Ce sont deux choses qui ont le même sens. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, fait partie de la sunna de s'attacher au groupe uni des musulmans, al-jama'a. Quiconque s'écarte de celui-ci et s'en sépare a retiré le lien de l'islam de son cou et il s'est égaré et cherche à égarer les gens. La sunna est venue avec beaucoup d'injonctions. Et parmi elles, le fait de s'attacher au groupe uni des musulmans, ce qu'on appelle Al-Jama'a. Et il y a beaucoup de preuves indiquant ce point. C'est pour cela que le savantissime Ibn al-Qayyim nous dit que les hadiths indiquant l'obligation de s'attacher au groupe uni des musulmans sont très très nombreux. Parmi ces preuves, nous avons le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée. Il dit, les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, mais je le questionnais sur le mal, c'est-à-dire les troubles. Les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, c'est-à-dire les ordres, les obligations et les choses recommandées pour pouvoir les mettre en pratique. Quant à Hudhayfa ibn al-Yaman, il questionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des fitaines, au sujet des troubles. Pour quelle raison? Il dit par la suite, radiallahu an, de crainte qu'il ne m'atteigne. J'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous étions dans l'ignorance et le mal, mais Allah nous a apporté ce bien. Y aura-t-il un mal après ce bien? Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Y aura-t-il un bien après ce mal, demandai-je? Oui, mais accompagné d'une corruption, répliqua-t-il. Quelle est cette corruption, dis-je? Il expliqua, sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui suivront une tradition et une voie autre que la mienne. On les approuvera parfois et on les désapprouvera à d'autres moments. Je demandais, y aura-t-il un mal après ce bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui. Des prédicateurs aux portes de l'enfer. Ceux qui répondront à leur appel, ils les y jetteront. Je repris, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Il dit d'accord, ce sont des gens de notre race et qui parlent notre langue. Je poursuivis, ô messager d'Allah, que penses-tu que je dois faire si cela m'atteint? Il dit, tu t'attacheras au groupe uni des musulmans, c'est-à-dire Al-Jama'a, et à leur imam. Je demandais, et si ils n'ont ni groupe ni imam? Il répliqua, éloigne-toi de tous ces groupes. Dusses-tu mordre à pleines dents le tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'atteigne dans cet état. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, de s'attacher au groupe uni des musulmans. Et cet ordre n'est pas valable pour lui uniquement. En effet, c'est un ordre pour toute la communauté. Il est obligatoire de s'attacher au groupe uni des musulmans et à leur imam. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsque Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, lui demanda comment agir si là où on se trouve, il n'y a pas de jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à cela par une phrase qu'il convient de méditer, surtout à cette époque où les troubles sont multiples. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, éloigne-toi de tous ces groupes. Dusses-tu mordre à pleines dents le tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'atteigne dans cet état. Et les savants ont mentionné plusieurs explications quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dusses-tu mordre à pleines dents le tronc d'un arbre. Certains ont dit que cela montre la grande difficulté de cette situation, tandis que d'autres ont dit que cela est une indication à quitter les endroits où il y a des troubles pour se rendre dans des endroits plus préservés. Ceci car les arbres se trouvaient en dehors de la ville de Médine. Par conséquent, selon eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu inciter ici à partir des endroits où se trouvent les troubles. Et cette explication nous montre l'erreur de certains de nos frères qui restent dans des pays mécréants où les troubles sont multiples, dans des pays où la sunna et ses adeptes sont combattus jour et nuit, dans des pays où ils ne peuvent pas extérioriser leur religion, des pays où leur religion est en danger en permanence. Et lorsque tu les conseilles, ils te disent « Je patiente, car Allah subhanahu wa ta'ala est avec les patients, sans pour autant faire les causes pour se sortir de cette situation en faisant la hijra. Et ceci par Allah est une erreur manifeste et une compréhension erronée. » Également, il y a dans cette phrase un encouragement à rester ferme dans les troubles. Le salafi doit faire preuve de fermeté conformément à la voie des salafus salih. Il ne doit pas faire preuve de complaisance comme le font certains à notre époque. Aujourd'hui, certains de nos frères, qu'Allah nous guide et les guide, lorsqu'il y a des troubles, ils font preuve de complaisance et ne veulent pas décevoir les gens. De ce fait, si leurs proches ont une position bien définie concernant les troubles, ils vont se positionner avec eux, même s'ils savent pertinemment qu'ils sont dans le faux. Et ceci est un manquement clair dans le manhaj, car le salafi suit la vérité où elle se trouve et ne cherche pas à dire ou à faire ce qui plaît aux gens. Également parmi les preuves indiquant l'obligation de s'attacher au groupe uni des musulmans, nous avons le hadith rapporté par Tirmidhi dans son Sunan, d'après Al-Harith, Al-Ash'ari, qu'Allah l'agré, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quant à moi, je vous ordonne 5 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné. L'écoute et l'obéissance, la lutte sur le sentier d'Allah, la hijra et la jama'a. Car celui qui sort du groupe d'un empan a retiré le lien de l'islam de son cou, sauf s'il revient. » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith l'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire au gouverneur. Quant à la hijra, ce qui est voulu ici, c'est faire la hijra de la Mecque à Médine, avant la conquête de la Mecque. Et les savants disent que cette parole englobe également la hijra de toute terre mécréante pour une terre d'islam. Et lorsqu'il dit al-jama'a, c'est-à-dire s'attacher au groupe uni des musulmans. Et les preuves sur ce sujet sont très nombreuses. Et les savants ont divergé quant au terme jama'a dans ce genre de hadith en 5 avis. Néanmoins, 2 de ces 5 avis sont plus justes. Le premier avis est que ce qui est voulu par le terme jama'a, ce sont les gens de science, notamment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont suivi leur voie. Selon ce sens, ce qui est voulu par s'attacher à la jama'a, c'est ne pas sortir de leurs paroles et de leur unanimité et de suivre leur voie. Ceci est l'avis de l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam al-Tirmidhi, Ibn Hibban et l'imam al-Barbahari et d'autres, qu'Allah leur fasse miséricorde. Le deuxième avis est que ce sont les gouverneurs qui sont visés par al-Jama'a, ceux pour lesquels les gens se sont réunis sur le fait qu'ils sont gouverneurs. Et selon ce sens, cela veut dire que nous devons leur obéir dans le bien et ne pas sortir contre ces derniers. Et cet avis est celui de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah. Et lorsqu'on analyse ces 2 avis, on voit qu'en vérité, ils sont complémentaires. Car l'écoute et l'obéissance du gouverneur dans le bien fait partie de la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des grands savants. Par conséquent, le terme jama'a englobe les gens de science, parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis, et également al-hukam, c'est-à-dire les gouverneurs,